إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وصفيه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، الحديث اليوم عن العظماء من العلماء، وهذا ليس تعصباً لأحد منهم، فكل إنسان يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. Aujourd'hui on va parler d'un grand savant de l'islam, et ceci n'est pas un ta'assub, bien un suivi aveuglement, car toute personne se trompe sauf le prophète صلى الله عليه وسلم. On prend de toute personne, نعم, et on prend et on rejette de toute personne sauf le prophète صلى الله عليه وسلم, qu'on n'a pas le droit de rejeter un jugement. Chez les gens du hadith, c'est leur imam. Et chez les jurisconsultes, c'est un maître. Et chez les apprentisseurs, les gens qui apprennent le Coran, c'est l'émir. Et ceux qui sont sur la vérité, et ceux qui sont sur la vérité, c'est leur leader, rahimahullah. Innahu imam al-sunnati wal-jama'a, Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal. Et c'est le grand savant, le grand imam, l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله عالم العصر. الإمام الذهبي رحمه الله dans Siyar, il dit que l'imam Ahmed, c'est le savant de son époque. وزاهد الدهر, il était ascète. ومحدث الدنيا وعالم السنة, c'est le quelqu'un qui est spécialiste dans les hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم et qui connaît très bien la sunna. كان رأسا في العلم, c'était une tête dans la science. والعمل, il mettait en pratique sa science aussi. والتمسك بالأثر, والتمسك بالأثر, et il s'accrochait aux paroles des compagnons et des salaf. نعم عباد الله, ذا عقل رزين, c'était quelqu'un de mature. نعم, وصدق متين, il était véridique. وإخلاص مكين, نعم, il était sincère dans ce qu'il faisait. ولد الإمام أحمد ببغداد, il est né à Bagdad en l'an 164 de l'Hégire. وتوفي يعني en 241 de l'Hégire. مات وعمره 75 سنة, il est mort à l'âge de 75 ans. وتوفي أبوه وهو ابن ثلاث سنين, quand son père il est mort, il avait que 3 ans. نعم عباد الله, يعني كان يتيما رحمة الله عليه. نعم عباد الله, فكلفته أمه, يعني فكفلته أمه, يعني c'est la mère qui a pris le kafal à son éducation. نعم عباد الله, نشأ الإمام أحمد ببغداد وشاب على حب العلم, il a grandi à Bagdad et il a grandi à Bagdad et il aimait la science. نعم عباد الله, واستمر في طلب العلم بعزم صادق. Il a continué dans l'étude de la science avec un enthousiasme en étant véridique. نعم عباد الله. وحفظ القرآن. Il a appris le Coran par cœur. نعم وأقبل على الحديث والأثر. Il s'est mis dans la science du hadith. La science du hadith du prophète sallam et les paroles des compagnons et l'athar. حتى حفظ مئة ألوف من الأحاديث. نعم il a appris mes frères plus de des centaines de milliers de hadiths. نعم عباد الله. وألف المسند في مدة 60 سنة تقريبا. Et il a fait son livre de Musnad où il a réuni beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à peu près 60 ans. Subhanallah, là, toute sa vie quoi. À peu près 60 ans. نعم عباد الله. يقول الشافعي رحمه الله خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقى ولا أتقى من أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي رحمه الله. Quand il est rentré à Bagdad, parce qu'ils sont arrivés à peu près à la même époque, quand il est rentré à Bagdad, il a dit je n'ai pas trouvé un homme qui a plus de science, qui a plus de jurisprudence, qui a plus de crainte d'Allah عز وجل que l'imam Ahmed ibn Hanbal رحمه الله. وقال ابن الجوزي رحمه الله كان رحمه الله الإمام أحمد شديد الإقبال على العلم. Il acceptait beaucoup, il allait dans les assises de science, il acceptait la science, il donnait son temps à cela. نعم سافر في طلبه السفر البعيد. Il a voyagé, نعم, dans des voyages lointains, il est parti très loin pour apprendre la science. ولم يتشغل بكسب ولا نكاح حتى جعل منه ما أراد حتى بلغ منه ما أراد. يعني il s'est pas préoccupé de le casque de gagner de l'argent, il s'est pas préoccupé de se marier nikah jusqu'à qu'Allah عز وجل lui a facilité. نعم حتى بلغ منه ما أراد فسافر إلى مكة. نعم عباد الله. Il est parti, il a voyagé à la Mecque pour apprendre la science car il était à Bagdad en Irak. Donc il a fait son voyage à la Mecque. وسافر إلى البصرة. À Basra en Irak même. والمدينة اللي بحشرة ميجين على فين جو بوفات صلى الله عليه وسلم. وسافر إلى اليمن اللي بحشرة اليمن aussi pour étudier la science. واجتمع بالإمام الشافعي وأخذ عنه. Et il a rencontré l'imam الشافعي رحمه الله dans ses voyages. Il a pris la science de l'imam الشافعي رحمه الله. والعلماء عباد الله لهم منزلة عظيمة ومكانة رفيعة فهم ورثة الأنبياء. Mes frères, les savants de l'islam, ils ont un haut degré auprès d'Allah Azza wa Jal. Na'am ibad Allah, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les héritiers des prophètes. Al-ilmu ibad Allah, tajun yarfa'u min dhikri l'insan. Yarfa'u min dhikri l'insan, wa yuhli qadrahu. La science, c'est une couronne, mes frères. Que l'être humain s'élève avec cela. Wa kam min asil nasabi hattahu l'jahl. Combien de personnes ils ont une bonne lignée? Une bonne lignée, yani, ils sont connus, une famille connue, une bonne lignée, voilà qu'il le jahl, yani, ça l'a rabaissé, hattahu al-jahl, il a rabaissé l'ignorance. Wa kam min wadi'i nasab, rafa'ahu al-ilm, fawqa jami'i an-nas. Et combien de personnes ils n'ont pas une lignée, sont pas connues, mais yani, la science les a élevés au-dessus des gens. Na'am ibad Allah. Qala al-sha'ir, ilmu yarfa'u baytan la imada lahu. والجهل يهدم بيت العز والشرف. نعم un poème qui dit, un poète qui dit la science elle élève des demeures, la science elle élève des demeures sans pilier et l'ignorance détruit des demeures et détruit l'honneur. وهذا مصداق قول جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Et ça on voit la parole d'Allah Azza wa Jal qui confirme cela, où il dit d'après le sens dans le Mujadala, Allah élèvera en degré ceux qui auront reçu la science. Allah élèvera en degré ceux qui ont reçu la science. Ibad Allah, mimma ja'ala shuyukhahu qabla talamilihi yuqaddirunahu wa yujillunahu wa yahtarimunahu wa yubajjilunahu. Na'am, même ces shuyukh, à qui il a pris la science? Il lui donnait une grande place à l'imam Ahmed ibn Hanbal. Il le respectait. Na'am, ibn, il le devançait sur d'autres personnes. Ulidat alayhi dunya fa'abaha. La dunya, quand elle est venue vers lui, il l'a rejetée. Wal bid'a فنفاها. Les innovations, il les a démenties, les a combattues. كان صابرا ومحتسبا. Il était patient. نعم, en espérant la récompense d'Allah عز وجل. وعلى نهج السلف الصالح. نعم, متبعا. Il suivait la voie des plus prédécesseurs. نعم, عباد الله. يقول ربنا جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. السجدة. الله عز وجل يجي لك كل سنس. Et nous avons désigné par eux des dirigeants. Des dirigeants qui guident les gens, c'est-à-dire des savants, des dirigeants qui guident les gens par notre ordre, aussi longtemps qu'ils ont duré et croyaient fermement en nos versets. Wa kana ibad Allah la yaqbalu hadaya na'am min al-khulafa was-salatin. Il n'acceptait pas les cadeaux na'am du gouverneur ou du calife. Il n'acceptait pas. La yaqbalu al-hadaya. وعن قال إسحاق بن موسى الأنصاري رحمه الله دفع إلي المأمون. مأمون يعني هو خليفة في هذا العصر. دفع إلي المأمون مالا فقال اقسمه على أصحاب الحديث, اقسمه على أصحاب الحديث فإن فيهم ضعفا, فما بقي أحد إلا أخذ إلا أحمد بن حنبل. المأمون يدوني الأرجنت الكاليف كسب المأمون أصلي بوك. Il donnait de l'argent et il disait distribuer aux gens du hadith, aux savants, aux gens du hadith. Tout le monde a pris sa part, sauf Ahmed ibn Hanbal, il n'a pas voulu de cet argent-là. Na'am ibadallah. Wa an zuhdihi, et parmi son ascétisme, قال صالح ibn Ahmed رحمه الله. ربما رأيت أبي, يعني صالح ibn Ahmed, c'est le fils, صالح qui s'appelle le fils de Ahmed ibn Hanbal. ربما رأيت أبي يأخذ كسرة ينفذ الغبار عنها ويصيرها في القصعة ويصب عليها الماء ثم يأكلها بالملح, وما رأيته اشترى رمانا ولا شيئا من الفاكهة. سبحان الله. Il prenait, rahmah, son fils Salih qui disait, mon père, il prenait du pain, يعني, avec la rabra dedans et avec la poussière, il soufflait dessus, il le trempait dans de l'eau, na'am, et il mettait un peu de sel et il mangeait. Chouf le zohd qu'il avait. Vraiment, yani, le zohd qu'il avait, mon frère. Il trempait le pain sec, il soufflait dessus, mettait un peu de melh, du sel pour avoir un goût, et il mangeait. Et il n'a jamais acheté le rumman, yani les fruits et les légumes. Il n'a jamais acheté tout ça. Na'am, ibadallah. Ça ne veut pas dire qu'il a interdisé ça. Là, lui, il était comme ça, l'imam Ahmed, rahmatullah alayh. Qal ibnuhu Abdullah, son fils Abdullah qui dit, kana abi. أحرص الناس على الوحدة. يعني son fils, il disait que son père, il était tout le temps, يعني seul. Tout le temps, il était seul. لن يراه أحد إلا في المسجد أو حضور جنازة. يعني les gens ne voyaient que quand il y avait du monde, c'est-à-dire à la mosquée ou quand il y a une جنازة أو عيار مريض, ou يعني le fait qu'il visitait les malades. وكان يكره المشي في الأسواق. Il détestait aller dans les marchés. Et نعم عباد ولا يدع أحدا يتبعه. يعني il laissait personne le suivre. Quelqu'un le suivait, il ne le laissait pas. رحمه الله عليه. وكان إذا ذكر الموت حلقته العبرة ويقول الخوف يمنعني أكل الطعام والشراب. Quand on lui parlait de la mort, il avait du mal à respirer. Il avait du mal à respirer et il ne mangeait pas. Le jour où on parle de ça, il ne mangeait pas, il ne buvait pas pendant un moment. رحمة الله عليه. وكان ابنه عبد الله يقول دخلت عليه يوما من الأيام في غرفة مظلمة. Un jour عبد الله يجي, je suis rentré voir mon père, il était dans une chambre dans le noir, مظلمة. فوجدته متربعا. سبحان الله. متربعا ويبكي. فقلت له يا أبي ما شأنك, لما تجلس هذه الجلسة وتبكي؟ قال يا بني أتفكر في القبر وأهواله وأتفكر في اليوم الآخر. سبحان الله العظيم. Son fils qui voit son propre père, يعني accroupi par terre en train de pleurer, il dit oh, mon père, pourquoi tu pleures? Il dit oh, mon enfant, je pense à la tombe, نعم, les ténèbres de la tombe, le jour du jugement dernier. نعم عباد الله. وكان من شدة ورعه أنه لا يحدث إلا في كتاب خشية الزلل. نعم, مع قوة حافظته, مع قوة حفظه, يعني رحمه الله. Il disait parmi son ورع, Et il parlait pas, quand il parlait du hadith, il prenait toujours un livre avec lui. Il parlait pas sans le livre. Ça veut pas dire qu'il connaissait pas. Mais il avait peur de se tromper. Il avait peur de se tromper malgré qu'il avait une mémoire très forte. Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Il a appris plus de des centaines de milliers de hadith. Mais il avait peur de se tromper, il prenait toujours son livre avec lui. Na'am ibadallah. Wa la yara ta'lif al-kitab taqwan wa wara'an minhu. Yani quand il faisait un livre, il ne se vantait pas de ce livre. Il disait, ah, mashallah, c'est mon effort, il faisait des livres. Yani il se fait une auto-satisfaction. Il ne se vantait pas de ce livre. Rahimahullah ta'ala. Ajaba ibadallah an 60 alf mas'ala. Il a répondu plus de 60 000 questions, mon frère. 60 000 questions. Dans ces questions, les réponses étaient Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les compagnons ont dit. وَكَانَ عِبَادَ اللَّهِ سَلِيمُ الْقَلْبِ يَعْفُو نَعَمْ عَمَّنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ. Yani il avait un bon cœur. Naam, il n'avait pas le ghil, il n'avait pas la rancune dans son cœur, surtout aux personnes qui lui ont fait du mal. أَغْلَضَ عَلَهُ رَجُلٌ الْكَلَامِ وَتَرَكَهُ مُغَاضِبًا ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ نَادِمًا وَقَالَ لَهُ مُعْتَذِرًا. فَسَمَحَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْتَذَرَ فَسَمَحَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Une personne qui a haussé le ton, parlé une balle à l'imam Ahmed ibn Hanbal رَحِمَهُ اللَّهُ, il ne lui a pas répondu. Il est parti mughadiban, en colère, l'imam Ahmed Rahim. On l'a laissé comme ça. Il est revenu le lendemain, tout en regrettant. Il lui dit, Yani, je te demande pardon pour ce que je t'ai fait. Naam, l'imam Ahmed Rahim, Allah, il lui a pardonné. Il lui a dit, fais-moi même partie de tes élèves pour que j'apprends la science. Et il a fait cette personne-là qui soit son élève. Rahim, Allah, ta'ala, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiru innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد عباد الله, أما حياته الأسرية أو الأسرة يعني حياته الزوجية عفوا, قال رحمه الله تزوجت أم صالح فأقامت معي 30 سنة فما اختلفت انا وهي في كلمه واحده. Et sa vie conjugale, comment elle était avec son épouse, malgré que c'était un savant qui n'avait pas trop le temps et il donnait du temps à son épouse. Il disait, je me suis marié yani avec Umm Salih et je suis resté 30 ans avec elle et il n'y a jamais eu une divergence entre moi et elle. En 30 ans, il n'y a jamais eu une divergence entre moi et elle. عباد الله والفتنة التي تعرض لها أحمد بن حنبل هي المحنة. المحنة بخلق القرآن. Il est tombé dans une époque où les Mu'tazila, une secte égarée qui insufflait au gouverneur Al-Ma'moun que le Coran, c'est pas la parole d'Allah Azza wa Jalla. Que le Coran, c'est quelque chose de créé, makhlouq. Alors que le Coran, c'est une révélation d'Allah Azza wa Jalla. Il est arrivé à cette époque-là, rahimahullah ta'ala. Istata'a al-mu'tazilatu khilalaha at-tasallula ila qalb al-ma'mun wa aqna'uhu bimaslakihim al-falsafi wa inkaru sifatul khaliq wa min bayniha sifatul kalam. Donc, ils sont partis voir le gouverneur de cette époque-là. Il lui a insufflé les égarés, les savants Mu'tazila, comme quoi le Coran, c'est pas la parole d'Allah, c'est une création. Et ils ont renié qu'Allah Azza wa Jalla parle. Ils ont renié l'attribut de la parole. Alors qu'Allah Azza wa Jalla, Allah yatakallama ma'a Adam, wa takallama ma'a Musa, wa yatakallam kama sha, wa sa yatakallam yawm al-qiyamah. Allah Azza wa Jalla a parlé à l'attribut de la parole. Il a parlé à Moussa alayhi salam. Il a parlé à Adam avant ça. Il parle à tout le Coran et il parlera à Yawm al-Qiyamah. Et Allah, il ne parle pas comme nous. Il a l'attribut de la parole, mais pas comme nous. Donc, il est venu à une époque où les gens, ils ont renié ça. Le gouverneur avec cette croyance-là. ومن ثم دعوة المأمون العلماء إلى قول بخلق القرآن. Alors le gouvernement a forcé aux ulama et à tout le monde de croire à cette croyance-là que le Coran c'est une création. C'est pas une révélation. وأراد المأمون أن يحمل الناس على ذلك. Et le gouverneur a voulu mettre cette charge aux gens, mettre cet égarement aux gens et à la umma. إلا أن الإمام أحمد أبا واستعصم وثبت على نهج الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة في توحيد الصفات. Mes frères, sauf l'imam Ahmed, rahimahullah, ils étaient opposés à tout cela. Il disait dans le tarikh, il y en avait quatre ulama qui étaient opposés. Deux d'entre eux, ils sont revenus dans le batil, et ils sont restés dans le faux. Et Ibn Nuh et Ahmed ibn Hanbal, ils sont restés sur cette parole-là que le Coran, c'est kalam Allah Azza wa Jal. Et il est resté sur la voie des pieux prédécesseurs concernant l'attribut des noms et l'attribut d'Allah Azza wa Jal, que le Coran c'est Inzal. القرآن إنزال من الله عز وجل أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن c'est une révélation qu'Allah a révélée au prophète صلى الله عليه وسلم وقد حبس وعذب وقتل في هذه المحنة كثير من المسلمين. Beaucoup de gens ont été emprisonnés à cette époque-là. Beaucoup de gens ont été torturés. Beaucoup de gens ont été tués. Naam, pour cela, mes frères. Ouais. Comme il disait dans le Mu'allikh, il disait, yani que l'imam Ahmed, on le frappait tellement, yani, fi Ramadan en plus. Un jour pendant le Ramadan, on le frappait tellement, yani, qu'il y avait du sang qui coulait, yani, par terre, vous voyez, tellement les douleurs, yani, et qu'il souffrait. Il s'évanouissait, rahimahullah. Il lui disait alors, dis que le Coran c'est une création. Il dit, Al-Quran, kalam Allah. Al-Quran, kalam Allah. A'atuna bidali min al-kitab wa sunna anna al-Quran makhlouq. Il disait, le Coran c'est la parole d'Allah. Le Coran c'est la parole d'Allah. Ramenez-vous un verset ou un hadith que le Coran c'est une création. Naam. Il disait, Al-Quran, Al-Rahman, alam al-Quran. Il ramenait ce dalil là. Il répond, l'imam Ahmed en disant, il n'a pas dit khalaq al-Quran, alam al-Quran. A'atuna bidali. Comme quoi, que le Coran est créé, il ramenait aucun dalil. Il le fouettait pendant des années, mes frères. Ça a duré. Il le torturait, il le mettait ses pieds, mes frères, ibadallah, ses pieds au plafond. Ses pieds au plafond et sa tête en bas. Et chaque personne, il ordonnait aux gens de le fouetter. Subhanallah, imaginez-vous cette mihna. Et voilà, ma dakana yakul, wa yakul ibn taymiya, ma adhunna anna Allah, ma adhunnu. أن الله يغفر المأمون على ما أدخل على المسلمين. ابن تيمية جي. الله عز وجل. Il s'occupera. Je pense pas qu'Allah va laisser le Ma'moun comme ça, sans jugement, sans rien. Alors ce qu'il a fait rentrer aux musulmans, ce qu'il a fait comme torture. يقول علي بن المديني رحمه الله. لقد أعز الإسلام برجلين. لقد أعز الإسلام برجلين. بأبي بكر يوم الفتنة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. يعني الإسلام honoré deux personnes pendant des périodes de troubles. Abu Bakr, quand il y a eu la ridda, حروب الردة, quand il y a une grosse fitna que les gens ils ont pas voulu payer zakat. نعم. Et Allah عز وجل a donné la victoire à qui? À Ahmed ibn Hanbal, يوم المحنة, le jour où il était seul, subhanallah, avec un autre ulama, Ibn Nuh, qu'il était seul, et tout le monde contre lui. ولكن ماذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لهؤلاء؟ Qu'est-ce qu'il a dit Ahmed ibn Hanbal aux gens de la bid'a comme ça, Mu'tazila, et à ceux qui insufflaient ça au gouverneur? Il disait quoi? Il disait بيننا وبينكم الجنائز. بيننا وبينكم الجنائز. Il disait entre moi et vous, les gens de la bid'a, ça sera le janaïs. Ça sera le jour de l'janaza. Et mes frères, on termine avec ça. لَمَّا مَاتَ رَحِمُهُ اللَّهُ وَهُوَ خَرَجَ مِنَ السِّجْنِ خَرَجَ مِنَ السِّجْنِ وَكَانَ مَرِيضٌ توفي رحمه الله في بغداد. Il est mort à Bagdad. Le jour où il est mort, il y avait plus d'un million de personnes في الجنازة. مليون في بغداد في الجنازة. نساء رجال أطفال حتى من اليهود والنصارى. وقال بعض العلماء وبعض من النصارى واليهود أدخلوا الإسلام بسبب هذا. Il a dit, il y avait 1 million de personnes dans sa genèse. Il n'avait jamais une genèse comme ça à Bagdad avant. Il n'a pas eu une genèse comme l'imam Ahmed après. Il n'a pas eu tout ça, ils n'ont jamais connu ça à Bagdad. 1 million, vous imaginez 1 million de personnes sur une genèse? Ils voyaient ces noirs de monde, des marées humaines. Regardez dans le Hajj, quand vous faites le Hajj, il y a 1 million, combien c'est? Ils disent que Mu'arrikhoun, des juifs et des chrétiens sont rentrés en islam quand ils ont vu ça. Subhanallah al-Azim. Sallahu alayhi. ومات على السنة رحمه الله. اللي موصل السنة رحمة الله عليه. ابن أبي داود هذا يعني رؤوس المعتزلة لما مات لموت جست أبخي مات يعني هذا رؤوس المعتزلة قبل يعني بعد أيام الإمام أحمد بدجو أبخي الإمام أحمد للتد المعتزلة يصموخ parmi eux, Ibn Daoud, il disait qu'il y avait presque 40-30 dans sa genèse. Il a vu une arme dans la genèse. Chauffe bien la différence entre eux. Et au sadaqa, rahimallah, comme s'il savait tout ça. Entre moi et vous, il y a la genèse. ثم لما مات أحمد بن حنبل رحمه الله تغيرت الأمور. Les choses ont songé à Bagdad en Irak. Tous ils sont revenus sur l'aqidah de l'Ahlu Sunnah wa Jama'ah. Taraj'u kathir min al-nas, kulluhum. À l'aqidah de l'Ahlu Sunnah wa Jama'ah, en al-Qur'an, kalam Allah Azza wa Jalla. Que le Qur'an, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla, c'est pas une création. Allah mahin ala al-tawhidi wa sunnah. Allah mahin ala al-tawhidi wa sunnah. Allah mahin ala al-tawhidi wa sunnah. Wa amitna alayhima. Wa amitna alayhima. Ya hayu ya qayyum. Ya dhal jalal wa l'ikram. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين في كل مكان اللهم اشف مرضانا من المسلمين اللهم اشف مرضانا من المسلمين اللهم اغفر اموات المسلمين في كل مكان اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومنهم الاحياء والاموات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم ارحم اموات المسلمين في تركيا اللهم ارحم اموات المسلمين في تركيا وفي سوريا الذين ماتوا على هذا الزلزال نسأل الله عز وجل أن يرحمهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا